Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien, c'est ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et la forêt. Cataractes de Shawinigan et des Huskies de Rouyn-Noranda qui vont se disputer demain la grande finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On en parle avec Samuel Girard de Robertval. Salut Samuel! Samuel, bonjour. D'abord félicitations pour ta saison. Avant de parler de cette grande finale qui débute demain à Rouyn-Noranda, si on parlait de ta saison... Si je t'aurais dit en début de saison que tu serais nommé meilleur défenseur du circuit, est-ce que tu m'aurais cru? Je pense pas. C'est sûr que mon année de 16 ans m'a grandement aidé pour cette année. Avec une année d'expérience de plus dans cette ligue-là, je pense que ça m'a aidé extrêmement. Puis aussi avec l'été que j'ai eu, là, je pense que mon été m'a beaucoup aidé aussi parce que j'ai travaillé très fort. J'ai fait beaucoup de temps avec mon agent, des camps avec Team Canada. Là, puis je pense que ça m'a vraiment aidé. Je suis arrivé encore plus en confiance avec ça. Puis, veux pas, je pense, avec une année de plus, je pense qu'on est plus en confiance sur la patinoire. OK. Si on parlait maintenant des séries, ça va bien pour les Cataractes de Shawinigan. Ça a été quand même en grande finale. On a congédié Martin Bernard pour remplacer par Claude Bouchard. Et depuis que Claude est rendu là, je pense que les Cataractes jouent vraiment du gros hockey. La preuve, vous êtes en grande finale. Oui, je pense que oui, ça c'est ça certain. Je pense que Claude, il nous aide extrêmement depuis qu'il est arrivé. Je pense qu'on s'est amélioré en tant qu'équipe là, depuis qu'il est là. Mais tu veux pas, je pense qu'au fait, là, avec l'arrivée des... Avec l'arrivée des 10 nouveaux joueurs dans notre équipe, c'est un peu plus dur la chimie toute, mais je pense que c'est de plus en plus que ça avance, de plus en plus que ça va mieux là avec les Cataractes. Je pense que tous les joueurs s'entendent mieux, puis je pense qu'on se connaît plus maintenant. Fait que je pense que ça va mieux dans OK. Comment tu vois cette grande série-là contre les Huskies de Rouyn-Noranda? Hier, je parlais à Gilles Bouchard, évidemment. Gilles vient de Normandin, toi tu viens de Robertval, donc ça fait très Lac-Saint-Jean comme série, c'est vraiment important. Et Gilles s'attendait vraiment à une série vraiment difficile. Et j'imagine que du côté des Cataractes, c'est la même affaire. Là. Ouais, ben c'est sûr, ça va être une série que ça va être serré jusqu'à la fin. Écoute, là, c'est deux très bonnes équipes de chaque part. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de talent dans les deux équipes. Fait que, je pense que ça va être une très bonne série. C'est une série-là. Ça va être très bon offensivement tant que défensivement aussi. Fait que, ça va être une très bonne série. OK. Ça peut être très, très long comme série. Là. Ça peut aller en 6 ou en 7, là. Ouais, mais c'est sûr, on ne sait pas d'attendre rien, mais il ne faut pas s'attendre que ça va être facile, parce que cette série-là, ça va être la plus dure qu'on va avoir faite depuis le début des séries. Moi, je pense, les Huskies, là, ils ont une très bonne équipe. Là. Écoute, je pense, c'est une des meilleures, c'est la meilleure dans la ligue, fait que je pense que... OK. Allez, je reviens à Claude Bouchard. Qu'est-ce qui a apporté de nouveau à Claude? Parce qu'on a vu quand même une transformation dès son arrivée avec le Cataract. C'est quoi de différent qu'il fait avec Claude, entraîneur? Ben, tu sais, Claude, je pense que c'est un coach qui a beaucoup d'énergie. Écoute, c'est un coach qui est toujours là pour nous. C'est pas un menteur. Mettons que tu fais de quoi, il va te le dire, puis il ne gênera pas de te le dire. Puis je pense que pour un joueur, avoir un entraîneur comme ça, ça nous avantage parce qu'écoute, il nous dit tout le temps la vérité, il nous cache jamais rien, puis il veut pas, je pense que c'est comme un père pour nous, là, dans le fond, on est une famille, puis lui, là, c'est lui qui nous dirige, puis c'est lui qui nous dit quoi faire, puis tu sais, écoute, il est toujours là pour nous, puis il nous a amené défensivement, il nous a très bien amélioré. Je pense que c'était là un petit peu défensivement. Fait que je pense que défensivement, il nous a très bien amélioré, puis même offensivement aussi. Okay. Je pense que Claude, il a joué un très grand rôle dans notre situation après L'échange des fêtes. Samuel, évidemment, c'est ton repêchage qui s'en vient actuellement. C'est ton année de repêchage. C'est sûr que tu ne dois pas penser à ça, quoique c'est vraiment important. Beaucoup de te classent en deuxième, troisième ronde. Je regarde, tu mets certains sites, on dit deuxième ronde. C'est ta petite stature un petit peu qui fait ça. Sinon, je pense que tu serais dans les cinq premiers facilement. Comment tu vois ça? Est-ce que vraiment là, tu t'en fais avec ça ou encore tu penses vraiment aux séries puis il arrivera ce qui arrivera? Non, écoute, comme tu dis, je pense que depuis le début de l'année, je suis dans la même chose puis c'est encore la même chose. Je suis un gars du moment présent puis tu sais, comme là en ce moment, on est en série puis on joue à la finale. Fait que moi, mon objectif, c'est de jouer mes matchs qu'on a en finale en ce moment puis mettre le focus là-dessus une game à la fois, un jour à la fois aussi. Fait que c'est pour le moment, je pense qu'on va plus aux séries, mais que tout ça, ça soit fini, ça c'est sûr certain qu'on commence à penser au repêchage avec la famille puis tout le monde, je pense que ça va être un beau moment. Fait que tu sais, je pense qu'on va mettre plus le focus là, sur la finale. Okay. Ben Samuel, on va te suivre de très très près puis dès la fin de la saison, puis on va suivre même au Combine et ainsi de suite. On est de retour à DanRadioSport.com pour avoir votre suivi jusqu'au repêchage. Samuel Girard des Cataractes de Shawinigan qui débute demain la série contre les Huskies de Rouyn-Noranda.